l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Laurent Castagnède, bonjour. Bonjour. Vous avez fait l'école centrale et vous avez travaillé chez Renault, l'industrie automobile fleuron national. Et on va parler aujourd'hui avec vous de votre ouvrage qui vient de paraître en 2018, donc aux éditions Éco-Société, Hervore ou la face obscure des transports. Alors, d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre ? Donc, j'ai travaillé une décennie dans l'industrie automobile, avec des responsabilités notamment autour des châssis et des lignes d'échappement. Et j'ai dû quitter pour des raisons familiales le groupe Renault. Mais déjà à l'époque, je m'interrogeais avec certains de mes collègues sur la pertinence de certains choix technologiques, notamment orientés sur le diesel à tout va. Et donc j'ai créé un bureau d'études plutôt orienté sur les bilans carbone lorsque je suis parti à Bordeaux. Et puis mes clients n'étaient pas dans l'automobile, étant en province. Et petit à petit, mûrissait en moi l'envie d'écrire quand même pas mal de choses sur le sujet de la pollution de l'air des transports. Et je me suis lancé donc mi-2015 dans l'écriture de ce livre. Alors pour quelqu'un qui a fait l'école centrale, c'est pas si fréquent de passer donc d'un poste d'ingénieur centralien, donc une des plus grandes écoles, à un statut beaucoup plus critique et finalement une sorte de militantisme dans le bureau d'études que vous avez créé et dans ce livre, donc Hervore, chronique d'une pollution annoncée. Qu'est-ce qui vous a fait passer de ce côté plus militant de votre activité ? Alors c'est très bizarre parce qu'en fait, dans ma promotion à Centrale, il y a des cas d'espèce en fait. Alors je ne vous cite pas ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités assez hautes dans l'industrie, mais en revanche, dans ma promotion, il y a quand même des gens avec qui j'étais à l'école qui sont Valérie Masson-Delmotte, par exemple, que certainement vous connaissez, et aussi Philippe Biwix. Ça a beaucoup divergé quand on constate aujourd'hui, effectivement, certains qui partent sur des problématiques environnementales et d'autres, j'en doute beaucoup. Ensuite, personnellement, c'est vrai que ce qui a été un peu le déclencheur de mon choix, en tout cas en termes de métier sur les bilans carbone, ça a été une conférence d'Hubert Reeves qu'il a faite à l'intérieur de Renault. Hubert Reeves avait fait une conférence et finalement j'avais quand même été marqué, moi-même qui me posais des questions de savoir si les émissions de CO2 de la fabrication d'une voiture n'étaient pas supérieures à ce qui sortait du pot d'échappement. Hein, j'en étais réduit à ces questions-là. Et finalement, c'est Hubert Reeves qui m'a convaincu de me lancer dans les bilans carbone. Alors, Hubert Reeves, c'est une grande figure de l'écologie, astrophysicien. Qu'est-ce qu'il vous avait raconté à l'époque ? Vous imaginez le plus grand amphi de Renault, rempli de chefs de service et de directeurs, qui était plein. Et lui, astrophysicien, en fait, il avait fait une conférence sur la Terre. Et devant tout ce parterre de grands galons de Renault, avait crié sur le fait qu'il fallait changer de modèle, effectivement. Alors, c'est ce à quoi vous contribuez, Laurent Castagnède. Hervore, ou la face obscure des transports, Hervore, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Hervore, c'est un mot inventé. C'est un peu le pendant du mot énergivore qu'on emploie souvent dans le bâtiment pour qualifier des logements qui sont des passoires énergétiques pour un confort modeste, qui fait un petit peu écho aux dinosaures qui étaient un peu herbivores et carnivores, parce que en fait, à l'époque des dinosaures, ces espèces-là étaient hégémoniques sur la Terre et en fait, la vie animale s'organisait autour d'eux. Et en fait, le constat aujourd'hui, c'est finalement l'humanité et progressivement s'organise autour des transports comme si peu à peu, on était en train de se faire en fait domestiquer par ces éléments-là un petit peu. Donc finalement, je fais un parallèle entre cette époque des dinosaures et finalement les dinosaures modernes de notre quotidien. Ne sont-ils pas finalement toutes ces avions, ces voitures, ces navires qui sillonnent notre vie. D'accord. Alors, vous parlez donc de bien sûr, du transport motorisé. Hein, on ne parle pas de la bicyclette, là. Oui, effectivement. Surtout que des ouvrages engagés et critiques sur les transports motorisés, j'ai pu constater assez rapidement qu'il n'y en avait pas. Alors que pourtant, il y en a plein dans l'alimentation, dans le bâtiment. Il y a des ouvrages très documentés sur la bicyclette. Mais finalement, sur les transports motorisés, étonnamment, il n'y avait pas de livre de référence qui faisait un état des lieux, par exemple, de l'historique du sujet. Depuis quand les transports motorisés polluaient-ils ? qui polluait-il, comment, qu'est-ce qu'on savait. Mais en fait, finalement, je me suis mis à me lancer dans l'écriture d'un livre qui finalement n'existait pas dans les librairies. Alors, c'est quoi votre constat, si on pouvait résumer un petit peu le début de votre livre ? Le constat d'abord, c'est qu'on n'est que dans le présent. Vous voyez, l'affaire du Dieselgate est quand même une affaire énorme. Et en fait, ce ne sont que des articles de presse qui s'interrogent, évidemment, qui posent des questions sur le présent, mais sans finalement se demander, mais depuis quand le diesel existe, depuis quand il pollue ? Et donc, lorsqu'on fait un cheminement arrière sur l'histoire, donc depuis 2 siècles, au début de la machine à vapeur, au début du 19e siècle, ben c'est là qu'on constate finalement quels sont les transports qui polluaient, comment, au fur et à mesure qu'ils se sont imposés. Il y a des leçons à tirer de tout cela. Par exemple, au 19e siècle, finalement, bon, vous doutez que c'est les chemins de fer qui polluaient le plus, mais en fait, ce n'est pas du tout les locomotives qui polluaient le plus, mais en fait, les rails. La fabrication des rails au 19e siècle mobilisait certaines années plus de la moitié de l'acier mondial. L'acier lui-même était fabriqué avec beaucoup de charbon, il fallait aller extraire les minerais de fer, chauffer tout ça très fort. Donc en fait, les gens qui souffrent finalement de maladies et qui en mouraient des transports motorisés par la pollution de l'air n'étaient pas ceux qui étaient dans les wagons, mais finalement ceux qui s'occupaient à fabriquer les rails et extraire le charbon. Donc ça, c'est une première leçon. Une deuxième, sinon, sur l'ensemble de 2 siècles, qui est assez intéressante, c'est d'étudier quels sont les transports motorisés qui se sont imposés, quels sont ceux qui ont à peine subsisté et quels sont ceux qui ont périclité, et essayer de voir un petit peu un point commun en tout ça. Et un point commun à tout ça, c'est le financement des infrastructures. En fait, les transports motorisés qui se sont imposés sont ceux qui ont réussi à se faire financer l'infrastructure par la collectivité. Par exemple, les premiers, dans les années 1830 en Angleterre, les premières voitures sans chevaux, ancêtres de l'automobile, donc des voitures à vapeur, n'ont tenu que 10 ans parce qu'en fait, le lobby des diligences et des chemins de fer ont réussi à faire payer des péages à la traversée des communes très importants, de 5 à 10 fois plus que les diligences. Et donc, ça a cassé le modèle économique de ces premières automobiles qui n'en portaient pas le nom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a aucun grand constructeur anglais mondial. Ça date de cette époque-là. Donc, périclité parce qu'on a fait payer des péages pour que ces voitures sans chevaux financent les routes. Ensuite, le chemin de fer au 19e siècle, mais en fait, ce ne sont pas les usagers ni les marchandises qui l'ont payé, mais des spéculateurs, puisque à peu près toutes les compagnies de chemin de fer américaines, le gros réseau mondial, ont toutes fait faillite plusieurs fois. Et lorsqu'au 20e siècle, on a voulu faire financer, comme c'est le cas aujourd'hui, les chemins de fer, les rails, enfin voilà, l'infrastructure par les chemins de fer, alors qu'à côté, il y avait une concurrence qui était les cars, les bus et les voitures qui, elles, roulaient sur des infrastructures qui étaient payées par la collectivité dès le départ. Grosse distorsion de concurrence, et c'est ça en fait qui explique le fait que les transports ferroviaires se sont effondrés, ils subsistent encore, mais pas au niveau auquel ils étaient, que les tramways, eux, ont quasiment disparu, même si aujourd'hui il y en a de nouveau quelques-uns, mais c'est très peu par rapport à ce qu'il y avait au début du XXe siècle en termes de linéaire d'infrastructures. Donc voilà, un point commun intéressant, c'est de voir comment, en fait, c'est le cas de l'aviation civile aussi, elle est finalement sponsorisée parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter autant de voitures que vous voulez, vous ne paierez pas plus d'infrastructures, je parle des camions de la même façon. Aujourd'hui, les gens, bon, quand ils passent un péage autoroutier, ils sortent quelques euros, mais en fait, globalement, c'est quand même en fait très peu par rapport au coût des infrastructures ensemble autoroutières. On peut considérer aujourd'hui que la quasi-totalité en fait, du financement des infrastructures routières ont été payées par la collectivité, finalement. Alors, ça provient aussi peut-être du fait qu'on considère qu'il est peut-être légitime que tout le monde puisse avoir sa voiture, donc certains diront que c'est normal que tout le monde paye pour les infrastructures, mais aujourd'hui, où l'on se rend compte, en fait, on a beaucoup trop de voitures en circulation, et les perspectives sont encore plus affolantes. On a 1 milliard de voitures en circulation dans le monde aujourd'hui. Il est attendu 1 milliard 700 millions de voitures avant 2040. Il est prévu à peu près à la même échéance 25 millions de kilomètres de routes supplémentaires dans le monde. Si vous faites un rapide calcul, vous rendez compte que c'est à peu près 30 mètres carrés par terrien. Moi, ce qui m'affole un peu, c'est de savoir qu'il y a la moitié de l'humanité qui n'a même pas cette qualité de chaussée pour sa propre résidence principale. Donc on est dans une situation hégémonique qui conduit à beaucoup de pollution. Et la question est de se demander vraiment, finalement, est-ce qu'il est toujours légitime, finalement, de sponsoriser les infrastructures ? Et c'est aussi le cas pour l'aérien, d'ailleurs, ainsi que pour les navires au travers des ports qui sont payés par les collectivités qui veulent absolument attirer les marchandises. Il y a eu quand même, à un moment, des choix aussi technologiques et des acceptations par les populations, donc des choix finalement sociologiques qui ont été... Oui. Alors, en termes de sociologie, ce qui est intéressant sur l'histoire de l'automobile, c'est de voir comment en fait on a promis aux gens que des voitures plus rapides leur permettraient de gagner du temps, alors que sociologiquement on se rend compte que quelques décennies plus tard, en fait, finalement ils passent plus de temps dans les mêmes transports pour se rendre en fait beaucoup plus loin. Ça s'appelle l'étalement urbain, on retrouve exactement la même chose dans les avions avec la distance du dépaysement qui n'arrête pas d'augmenter. Pour se remettre à la situation en tête, en 1920, plus de la moitié des voitures qui circulent dans le monde, c'est une Ford T. Donc c'est un seul modèle, c'est la moitié du parc mondial. Ford a 2/3 du marché mondial, donc c'est vraiment quelqu'un, c'est l'industriel le plus écouté au monde au début des années 20, et justement il publie lui-même un livre qui s'appelle Ma vie, mon œuvre, en toute modestie, et dedans il écrit notamment quelque chose qui est très intéressant, c'est que au début des années 20, il voit poindre un nouveau marché pour l'automobile qui est le trajet domicile-travail. Et lui voit poindre ça comme étant un bienfait pour l'humanité de se dire ça sera beaucoup plus confortable et c'est un énorme marché de le capter. L'ennui derrière, ça va commencer aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres et puis ça va être exactement la même chose dans les années 50 et 60 ensuite en Europe, c'est qu'en fait le nombre de mètres carrés mobilisés par des personnes qui circulent toutes seules dans une voiture est infiniment, enfin, est très largement supérieur au système qui était en vogue avant et c'est finalement le début d'un étalement urbain massif. Alors, vous êtes un spécialiste dans l'analyse des impacts environnementaux, justement, des projets de bâtiments et de transports. Donc, vous savez bien de quoi il ressort. Vous pouvez nous faire un bref aperçu? Oui, alors aujourd'hui, au niveau mondial, les transports, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Ce tiers inclut à la fois les émissions des véhicules eux-mêmes, mais aussi la fabrication de ces mêmes moyens, ainsi que la fabrication des infrastructures. Donc, tout cela combiné, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. En termes de polluants, notamment des polluants urbains, alors ça dépend des polluants, mais on peut retenir que c'est entre 20% et 50% des polluants urbains qui sont le fait des transports. Et en termes de dégâts sanitaires, là c'est très concret et c'est très présent. Aujourd'hui, la pollution de l'air extérieur au niveau mondial, c'est entre 4 et 5 millions de morts par an à comparer à l'accidentologie, elle, qui estime à peu près à 1 300 000 personnes par an qui meurent d'accidents essentiellement de la route. Et au niveau français, en fait, on a moins de 4 000 morts par an sur les routes aujourd'hui du fait des accidents. Mais en revanche, la pollution de l'air extérieur tue chaque année plus de 50 000 personnes. Donc on peut estimer à peu près entre 15 et 20 000 du fait des transports, au prorata de leurs émissions de polluants. Donc on a quand même plusieurs fois plus de personnes aujourd'hui qui meurent des gaz d'échappement des véhicules que des accidents, ce qu'on ne dit pas assez. Mais finalement, quand vous comparez ces herbivores à des dinosaures, c'est que quelque part, vous prévoyez que bientôt, ils vont disparaître? Oui, ça peut être une question. Hein. Aujourd'hui, si on ne change rien, l'hypothèse du business as usual en termes de perte de biodiversité, de dérèglement climatique, nous laisse entrevoir que d'ici peu de décennies, il va se passer des choses qui sont clairement des cataclysmes. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même une grosse critique de la technologie à faire autour des transports parce que, on va dire, il y a tellement de profusion de messages qui consistent à dire aujourd'hui, certes, votre voiture, elle pollue, votre avion, il pollue, mais ne vous inquiétez pas, il y a des milliers d'ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus, ils ont bien conscience que ça pollue, donc ils sont en train de préparer la prochaine génération qui, elle, sera parfaitement verte. Sauf que quand on analyse l'histoire, on se rend compte que ce type de discours, c'est quand même pas la première fois qu'on le raconte, et c'est ça qui est inquiétant. L'histoire du diesel, par exemple, est extraordinaire de ce point de vue-là. Depuis Rudolf Diesel, qui, à la fin du 19e siècle, cherchant des investisseurs, disait déjà que les moteurs diesel n'émettaient aucune particule, aucune trace de suie avec un papier blanc au bout du pot d'échappement, on n'arrivait même pas à le salir. Et ensuite, on a eu le diesel qui est arrivé dans les années 60, on va dire que 70, parce qu'on a développé un parc nucléaire qui a mis à disposition beaucoup de fuel et un exutoire a été le développement du moteur diesel. Et ensuite, le diesel, on s'est rendu compte quand même que c'était aussi sale qu'on le pensait, donc c'est aussi l'arrivée du filtre à particules pour tenter de prouver qu'il peut être propre. Mais finalement, il y a eu plusieurs générations de particules parce qu'on se rendait compte au fur et à mesure que finalement, les particules les plus dangereuses, c'était les plus fines qui passaient au travers. Ensuite, il y a toutes les affaires autour des oxydes d'azote. Voilà, donc tout ça fait que il est difficile de croire aujourd'hui qu'avec la technologie et sans changer nos modes de vie, on puisse résoudre ce problème. C'est juste impossible. Des transports propres, en fait, pour vous, ça n'existe pas? Pas tout à fait. Disons que le mythe, c'est de croire que tous les transports vont devenir propres par la technologie. Bon, ça, c'est clair, c'est un mythe. Ensuite, il peut y avoir quand même des transports qui peuvent être propres. Si on prend par exemple la voiture électrique, hein, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Bon, déjà, il faut avoir confiance que sous 30-40 ans, on n'a pas du tout les métaux sur la planète en termes d'extraction et même de réserve pour certains d'entre eux pour être capable de substituer le milliard de voitures électriques dont j'ai parlé. Parce que certains aussi voudraient substituer les camions. En priorité, d'ailleurs, il faudrait substituer les deux roues, et sans parler de la concurrence de toutes ces batteries avec les objets nomades du quotidien, qui ne sont pas du tout des véhicules, qui eux aussi tirent sur les mêmes métaux. Donc à partir du moment où on n'a pas la capacité, moi ce qui m'inquiète, c'est de voir d'ici très peu de temps, peut-être 4-5 ans, émerger un electric gate qui, selon moi, va se produire ainsi s'il émerge. C'est de se rendre compte dans 4-5 ans qu'on aura vendu pas mal de véhicules électriques, il y en aura un certain pourcentage, mais que les polluants finalement n'auront pas baissé. Et là on fera une analyse et certainement on se rendra compte que finalement les véhicules sur lesquels on a mis des batteries étaient en fait les solutions les plus gaspilleuses. C'est-à-dire, il suffit d'aller dans les salons de l'automobile par exemple pour voir aujourd'hui que les véhicules électriques qui sont mis en avant sont des gros SUV en fait, des véhicules surpuissants, beaucoup trop lourds. Mais il y a un marché pour ça, de gens très aisés qui sont capables de se les payer. Et je trouve très dommageable que les batteries finalement soient accaparées par des usages gaspilleurs. Alors qu'on devrait être beaucoup plus capable d'orienter en fait l'usage des batteries vers les usages qui sont les plus pertinents, c'est-à-dire notamment déjà la substitution de la totalité des deux roues. C'est ce qui est d'ailleurs fait dans certaines grandes villes chinoises qui sont très polluées par leur industrie aussi. Il n'y a plus de deux roues thermiques comme chez nous, il n'y en a plus aucun dans ces villes-là. Pour des questions de polluants urbains d'ailleurs, plus que pour des questions de gaz à effet de serre. Le deuxième sujet, c'est tous les véhicules qui roulent beaucoup, les véhicules de livraison urbaine, les taxis urbains, tout ça, effectivement, devrait être électrique. En revanche, une voiture électrique qui serait une deuxième voiture d'un ménage et puis qui ne ferait que 3-4 000 km par an, c'est une hérésie, en fait. C'est du gaspillage de batterie. En revanche, après, pour tout le reste du parc, il faudrait absolument pousser pour avoir de l'hybridation, mais de l'hybridation légère. Si on veut de l'hybridation trop lourde, on ne pourra pas substituer sous 20 ans ou 30 ans la totalité du parc. Donc moi, je milite vraiment pour des usages électriques qui soient très ciblés sur des véhicules urbains, pas surdimensionnés évidemment, qui roulent beaucoup naturellement dès aujourd'hui, les deux roues et une hybridation totale mais légère des véhicules thermiques. Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière. Avec sa vieille Fiat pourrie. Je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais la voir. Je m'en vais lui faire voir. Je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf! Et lui avec sa tonus, je vais lui chatouiller par choc. Il ferait mieux conduire un bus. Ça va lui faire comme un choc. Portière, portière, de quoi il a l'air. Un petit bras d'honneur, ça c'est mon bonheur. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, c'est moi le roi de la route. Un usage de 122. Je peux faire Paris Beyrouth en une demi-heure. C'est moi le roi de la route. Même si les enfants ont peur, je me faufile sans un loot, sans aucune frayeur. Après un petit gueuleton, ça fait du bien de rouler. Bonjour la gueule du ballon. Si les flics me font souffrir, salon Beaujolais, c'est comme une pierre. Malade déchiré, j'ai envie de gerber. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Les gosses arrêtent de brailler. Mais où tu vas, papa? Mais si je sais très bien où je vais. Mais non, t'es contre son. Je m'en fous pour claquer un monde. Chacun. Ça y est, je vais manger le pylône. Bing, stack, bang. Crush, wiggle. Bing, ring, blé, blang, blang. Yeah. Et puis la question du mode de production énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire, malgré ce qu'on entend beaucoup dire, mais à peu près que en France, ce n'est pas du tout énergétiquement performant. Oui, alors effectivement, il faut préciser aussi que la voiture électrique, elle est présentée à zéro émission, ce qui est vraiment un vrai scandale, puisqu'il faut bien fabriquer de l'électricité supplémentaire. Alors j'insiste sur ce mot supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, vous avez bien conscience, on va peut-être avoir un parc d'un million ou deux millions de voitures d'ici quelques années en France, mais en fait on n'est pas du tout en train de construire un réacteur nucléaire spécifiquement pour satisfaire cette augmentation de demande. Donc à partir du moment où on augmente la demande électrique avec un réseau de voitures, ça va être de l'électricité supplémentaire. Et l'ennui aujourd'hui, c'est que même en France, l'électricité supplémentaire de gens qui vont se doter de véhicules électriques et qui vont se recharger sur le réseau, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de pluie dans les barrages et qu'il y ait plus de vent dans les éoliennes, etc. Donc finalement, ça va être en fait effectivement à certaines périodes des centrales nucléaires qui ne seront pas à fond, qui vont faire ce surplus, mais en fait ça va être massivement des centrales au gaz et des centrales au charbon qui vont fabriquer cette électricité supplémentaire. Donc pour qu'un pays ait une voiture électrique qui soit véritablement propre au niveau fabrication d'électricité supplémentaire, il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer de ça. Le cas général de la voiture électrique, en gros dans le monde, ça va être du charbon. Donc en termes de CO2, le bilan total, il est quand même mitigé. Ensuite, je voudrais tordre le cou à une idée qui consiste à penser que ce qui nous manque, c'est des moyens doux, en fait. Vous voyez, alors c'est sûr que c'est très bien de développer le vélo, développer les transports en commun, ça me paraît nécessaire. Mais c'est juste pas suffisant, parce qu'on a du mal à admettre le diagnostic qui est que le souci de base que l'on a, c'est que les transports motorisés qui sont devenus hégémoniques sont juste trop bon marché. Et là, ce que j'expliquais déjà, donc l'histoire du fait que les infrastructures ne soient pas comprises dans le coût marginal des gens, ça c'est un premier sujet. Après, on peut parler des externalités négatives, qui est aussi une autre occasion de remonter les prix en essayant d'inclure les dégâts sanitaires des gens qui sont malades de la pollution de l'air, mais inclure ce prix dans le prix de l'essence, vous voyez. Donc déjà, je suis en train de vous dire, avec les infrastructures, qu'il faudrait doubler en gros le prix des véhicules. L'essence, vous pouvez la mettre à 3 euros pour commencer à discuter du fait qu'on puisse réussir à rembourser peut-être les dégâts sanitaires. Donc finalement... Là, il y aurait le fameux débat, la fracture. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, dans une société où pour trouver un boulot, il faut faire plein de kilomètres, où seulement les riches pourront se déplacer. Alors, vous avez tout à fait raison. Effectivement, la structure urbaine aujourd'hui, elle est le résultat d'avoir mis à disposition de la masse des transports finalement qui étaient transports individuels pas si onéreux. Donc le résultat, effectivement, c'est de l'étalement urbain avec un foncier de l'habitat qui est très cher vers les centres et du coup des populations modestes qui ont été finalement quelque part obligées de s'installer loin, et elles l'ont fait parce qu'elles avaient à disposition un véhicule qui finalement financièrement leur permettrait de résoudre cette équation. Effectivement, il y a un gros problème de transition sur le sujet, notamment sur le trajet domicile-travail. Donc l'idée de, si on mettait en place ça, c'est pas de compenser directement, c'est-à-dire en finançant ces gens-là pour qu'ils maintiennent finalement leur problème, hein, qui est ces trajets quotidiens, mais c'est véritablement financer le fait que leur travail puisse être rapproché des lieux d'habitation, peu importe, ou l'inverse, organiser des navettes sponsorisées. Il y a quelque chose à réviser à ce niveau-là, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, les gens qui pâtiraient d'une augmentation des prix de la voiture, c'est justement ceux qui se sont installés en bénéficiant du fait qu'elle n'était pas chère. Donc ça, c'est un véritable problème de transition. Et puis donc là, finalement, on revient sur l'organisation des villes, de nos modes de vie, de nos modes de déplacement, avec une utopie que voyager un week-end à New York ou partir très loin, c'est que tout va bien, qu'on est heureux, qu'on est riche, alors qu'au final, il faudrait relocaliser tout et recréer, réindustrialiser peut-être de façon un peu artisanale, un petit peu partout, sur nos territoires. Et là, c'est vraiment, en touchant cette question des transports, réfléchir à une nouvelle société. En fait, voyager, lorsqu'on regarde les gens qui véritablement voyageaient, c'était le trajet, en fait, qui était, en termes de temps, ce qui les concernait le plus. Des voyageurs étaient des gens qui, pour aller d'un endroit à un autre, passaient plusieurs jours, en fait, à s'y rendre. Et à la limite, au total, ils passaient plus de temps sur leur trajet que dans leur destination finale lorsqu'ils voyageaient. Et aujourd'hui, en fait, on ne devrait plus parler de voyageurs, on ne parle presque plus que de touristes, c'est-à-dire des gens qui font un tour Et on se retrouve dans des endroits qui finalement ont tellement été optimisés économiquement que c'est du tourisme de masse qui s'y est développé. Et donc avec l'artificialisation des sols sur place et surtout l'uniformisation des cultures. Et donc on a une banalisation des destinations qui est assez extraordinaire, qui oblige pour un même dépaysement à se rendre encore plus loin qu'avant. C'est-à-dire que finalement, partir en vacances pour se dépayser il y a 50 ans, ce que vous trouviez comme dépaysement à 1000 km, il y a 25 ans vous le trouvez à 3000, aujourd'hui on se demande si on le trouve encore à 10 000 km. Donc c'est une horreur. Donc tout ça pousse finalement à plus de transport. Donc il y a à se questionner complètement sur c'est quoi le loisir, c'est quoi la destination et la fréquence des vacances lointaines. Vous parliez des externalités, effectivement, de nos modes de production. Si on prenait en considération tous les coûts liés à la production de quelque chose à l'autre bout du monde, est-ce que ça implique aussi socialement dans nos pays qui achètent ces biens de consommation? En fait, on n'aurait plus intérêt ni à faire fabriquer ailleurs, ni à transporter par bateau, par avion, et après par tous ces camions qui irriguent nos routes. Finalement, on pourrait retrouver des emplois locaux, des campagnes dynamiques. Oui, alors il faudrait revenir à l'époque d'Adam Smith, en fait, l'économiste très connu à la fin du 18e qui prônait le libre-échange, en fait. Hein. Lui, en fait, sa théorie, c'était de dire que l'humanité serait meilleure si on arrivait à produire les biens. Alors, il pensait pas mal aux biens alimentaires, mais il pensait qu'il fallait les produire dans l'endroit du monde où c'était le plus productif et que, du coup, toutes les régions se spécialisent dans le produit sur lequel elles seraient les meilleures au niveau mondial et ensuite utiliser des transports massifs pour transporter tout ça. Et aujourd'hui, en fait, l'horreur, en fait, c'est qu'Adam Smith, il est largement dépassé. Parce que lui, il imaginait qu'on produirait même à l'autre bout du monde tel aliment, par exemple, et puis on le distribuerait dans le monde entier. Aujourd'hui, en fait, c'est bien pire, la situation, parce que, par exemple, dans un porte-conteneur, si vous ouvrez un conteneur au hasard, vous avez 80% de chances de tomber sur un produit semi-fini. C'est-à-dire, en fait, Adam Smith, lui, il imaginait un trajet, peut-être à travers un océan, mais d'un produit depuis le lieu de production jusqu'au lieu de consommation. Aujourd'hui, en fait, un produit, il passe par des étapes intermédiaires. Vous avez certains matériaux qui font plus que le tour de la Terre parce qu'on va aller sur la différente chaîne des fournisseurs. Et bien, finalement, choisir à chaque fois le meilleur fournisseur intermédiaire pour le bien de consommation et se retrouver avec plus de transport, finalement, que même Adam Smith lui-même imaginait. Donc là, on a un gros souci, finalement, du transport, notamment par bateau, hein, mais c'est vrai pour l'aérien dans des biens un petit peu plus chers, des transports motorisés qui sont tout simplement beaucoup trop bon marché, avec des barrières douanières qui n'ont cessé que de baisser. Et à ce moment-là, socialement, dans plein de pays, l'obligation de s'aligner finalement en termes de taux de main-d'œuvre, avec en plus des contraintes environnementales dans des pays comme les nôtres, qui font que soit on survit modestement, soit on se retrouve au chômage. On ne peut pas lutter contre des pays dans lesquels on saccage l'environnement sans en payer le coût, avec des salaires de misère qui relèvent plus de l'esclavage que de l'emploi salarié. Bon, alors tout ça, c'est un petit peu déprimant. Comment on peut finir par une note optimiste pour changer tout ce système, pour aller vers moins de moteurs polluants, pour aller vers d'autres modes de transport plus économes en énergie? Il y en a un, par exemple, c'est l'équivalent de la création du cadastre, c'est-à-dire du foncier mobile. En gros, gérer la totalité des parcs mondiaux des moyens motorisés en les plafonnant. Au Moyen-Âge, vous vous installiez dans une ville comme vous vouliez, à la périphérie, et puis vous construisiez votre maison. Et à un moment, l'hégémonie des villes, on a voulu y mettre fin dans les pays occidentaux. On a créé la notion foncière et le cadastre. Et en fait, je pense qu'il faudrait appliquer finalement ceci tout simplement aux moyens motorisés pour en gérer ne serait-ce que le nombre. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans la minute suivante où il a été abandonné, ben finalement, on a annoncé le fait qu'on allait renforcer et dynamiser le trafic de l'aéroport actuel et des aéroports régionaux périphériques pour pouvoir maintenir la cadence de l'augmentation du trafic aérien. On n'a tiré aucune leçon, finalement, de tout le mouvement citoyen qui s'est créé pour s'opposer à ce projet. Voilà. Alors j'espère que ce n'est qu'une façade et que nos politiques ont quand même commencé à prendre conscience des dégâts et qu'il faut arriver à gérer, en fait, cette augmentation et la plafonner, hein, tout simplement. Et on peut arriver à partir en vacances pas très loin. Le dépaysement, il est surtout lié, finalement, pour moi, au trajet, à la durée du trajet. Et souvent, pour des vacances vraiment dépaysantes, je suis certain qu'à pas beaucoup de centaines de kilomètres de chez soi, on peut se retrouver à des endroits très dépaysants sans faire des milliers de kilomètres. Mais bon, je pense qu'on peut quand même avoir des loisirs, hein, avec éventuellement des transports motorisés. Il ne faut pas tous les mettre à la poubelle, mais vraiment repartir vers une véritable sobriété et une prise de conscience, en fait, des dégâts que peuvent faire des solutions de masse sur le fait de tuer ce genre de lieu ou les éloigner. Et puis peut-être aller travailler à pied ou à bicyclette, si c'est possible, ou en covoiturage. Oui, ça veut dire qu'il va falloir une espèce de négociation à haut niveau pour avoir une re-répartition des lieux de travail par rapport à lieux d'activité. On pourrait se poser la question, par exemple, que le trajet domicile-travail soit intégré finalement au temps de travail. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Bernard Charbonneau, lui, il disait que finalement, le salarié moyen, il avait un deuxième emploi, en fait. Un deuxième emploi qu'il créait lui-même, qui était un emploi de chauffeur de lui-même. Et s'il était reconnu en tant que tel, ça serait un coût finalement pour l'employeur, alors qu'aujourd'hui, c'est un coût pour le salarié. Donc, je pense qu'il y a une question à se poser pour voir quels sont les mécanismes qu'il faudrait mettre en place. Laurent Castagnède, on peut essayer de piocher des solutions dans votre ouvrage, donc Hervor ou la face obscure des transports, qu'on peut se procurer dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci. C'était L'Ours et la Carotte. Écoutable sur Internet.